Voici Axwell sur Fun Radio. Les plus grands DJ internationaux platine. C'est l'Inox Electronic Festival en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Yeah. Linox Electronic Festival. Fun Radio. De l'Inox Electronic Festival. C'est Axwell au platine. Festival. Fun. En simultané sur Fun Radio. Electronic Festival. En direct sur Fun Radio. Fun Radio. Jusqu'à 6h du mat. C'est l'Inox Electronic Festival. Fun. En simultané sur Fun Radio. en direct de l'Inox Electronic Festival, en simultané sur Fun Radio. Fun Radio. Radio. Fun Radio. sur Fun Radio. C'est l'Inox Electronic Festival. l'Inox Electronic Festival. C'est Axwell au platine. De la dune de Toulouse toute la nuit, c'est l'Inox Electronic Festival en simultané sur Fun Radio partout en France. On vit ensemble la soirée de clôture. On a toute la nuit pour faire la teuf ensemble. Ça va se finir en beauté à 4h du mat avec Laurent Wolf. Et donc là, jusqu'à 4h du mat, c'est Axwell qui mixe sur Fun. Inox Electronic Festival. Fun Radio. de l'Inox Electronic Festival en simultané sur Fun Radio. Fun Radio. Electronic Festival. Fun. En simultané sur Fun Radio. De l'inox Michael au platine. Changes are here. Direct de l'Inox Electronic Festival à Toulouse. Inox Electronic Festival, en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Fiesta sur Fun Radio, la teuf non-stop avec l'Inox Electronic Festival en direct de la Dune à Toulouse. C'est la soirée de clôture de la 6ème édition. À 4h du mat, ça va se finir avec le numéro 1 des clubs, Laurent Wolf. Et donc là encore pendant une demi-heure, c'est le DJ suédois Axwell au platine de l'Inox. Inox Electronic Festival en direct sur Fun Radio. Fun Radio. direct de l'Inox Electronic Festival en simultané sur Fun Radio. Fun Radio. We'll be right back. l'Inox Electronic Festival à Toulouse. Thank you. Son.